problème carton là. Mais c'est quoi ça, encore une mise à jour? Avec un equalizer, un reverb et un booster. On va voir si on arrive le boost. Ah oui! Une pédale disto ça? La guitare, elle a combien maintenant? Moi, j'ai fait. On commence. J'ai changé, écoute. We'll be right back. Fella. Je vais rater les paroles.